jaloux des maisons, tout en session. Y'avait le Covid, tout le monde en dépression. Multiplatinium, visa platinium. La petite visière, genre elle était ta femme mignonne. Donc avec la luna, t'as fait la regula. Sous vodka, ananas, t'en pour Montana. J'fume la pop, pop, pop, pop, la frappe à Yoda. Pim, pom, pim, pom, j'entends la basse. J'fume la pop, pop, pop, pop. Ça met les frissons, t'es mon derrière les bas.